إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد en cette soirée du samedi, نعم, en cette soirée du samedi 22 Rabi al-Thani 1430, ce qui correspond avec le 18 avril 2009 بإذن عز وجل, nous sommes inshallah ta'ala, si je ne me trompe pas, dans le 36e cours du tome 2 de l'Aqida al-Wasitiyya. Naam. Et je commence par répondre à la question du frère Abu Marwan qui a dit: vous êtes venu tôt aujourd'hui, ou est-ce que l'horaire est normal? Je pense, wallahu alam, que Abu Marwan n'était pas présent quand j'ai dit que maintenant il fallait changer les horaires et que je vais faire le dars entre le Maghrib et la Isha, c'est-à-dire à 20h chez nous, c'est-à-dire 21h chez vous, bi-idnillahi azza wa jal. Sauf bien sûr s'il y a quelque chose et que je n'arrive pas. Naam. Donc, inshallah ta'ala, le cours d'aujourd'hui sera sur... Exactement. Le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, sera sur les épouses. Les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les mères des croyants. Les mères des croyants. Quel est notre devoir envers elle? Nous avons vu dans le cours précédent notre devoir envers les compagnons et les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont aussi des compagnonnes, sont aussi des compagnonnes, et en plus de cela elles sont quoi? Elles sont bi'idhnillah azza wa jal, elles sont yani nos mères, elles sont nos mères. C'est pour ça qu'elles ont beaucoup de droits bi'idhnillah azza wa jal sur nous, beaucoup de droits bi'idhnillah ta'ala sur nous. طيب, on va commencer par dire les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam le seront également dans l'au-delà, tout comme elles l'ont été dans l'ici-bas. Elles sont désormais promues au noble rang de mère des croyants. Elles jouissent d'un respect et d'une considération dignes des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui clôt la série des prophètes et messagers. Elles constituent sa maisonnée, chastes et vertueuses qu'elles sont, pures en soi et purifiées par Allah, innocentes et dont l'innocence attestée par Allah azza wa jal est au-dessus de tout ce qui pourrait porter atteinte à leur chasteté et vertu. Car les bonnes sont pour les bons et inversement. Que Allah Azza wa Jal les agrée toutes et les satisfasse, et qu'il accorde bénédiction et salut à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'honnête et digne de confiance. Donc bismillah ar-rahman ar-rahim, épouse du prophète, Naam, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, séparée de lui par la mort. On va les compter, naam, une par une, donner leur biographie et quoi encore, et yani dire quelles sont les particularités de chacune d'elles. La première épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, naam, s'appelle Khadija. Son prénom c'est Khadija. Son père c'est Khuwaylid. Khuwaylid ibn Asad. Le prénom de sa mère, c'est Fatima bint Zaïda. Elle est née en 68 avant l'Hégire. Elle est née en 68 avant l'Hégire. Elle s'est mariée à la Mecque. Elle s'est mariée à la Mecque en l'an 28 après l'Hégire. En l'an 28 après l'Hégire. Quelle a été sa dot? Sa dot était de 20 chamelles vierges. Le messager, alayhi salatu wa salam, lui a donné comme dot 20 chamelles vierges. Quelle est la durée de... Combien qu'elle est restée épouse du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Elle est restée avec lui 25 ans. 25 ans. Naam. Je rappelle de m'écrire de temps en temps numéro 1 sur l'InSpeak et sur Lahore et sur le Pastor. Elle est morte à la Mecque, 10 ans après que le messager d'Allah alayhi salam soit devenu messager. Naam. Quels sont ses enfants du messager d'Allah alayhi salam? Elle a eu Zainab. Elle a eu Zainab. Elle a eu Zainab. Ensuite, Al-Qasim. Ensuite, Al-Qasim. Ensuite, Ruqayya. La troisième fille, Ruqayya. Ensuite, Umm Kulthum. Ensuite, Fatima. Fatima, que tout le monde connaît. Fatima. Et ensuite, Abdullah, un garçon qui s'appelle Abdullah, et qui en même temps, on l'appelait Tayyib, et on l'appelait Tahir. C'est pour ça que beaucoup de gens se trompent, croient que le messager d'Allah avait trois garçons. Alors que le même, qui s'appelle Tayyib, on l'appelait aussi, qui s'appelle Abdullah, on l'appelait aussi Tayyib, et on l'appelait aussi Tahir. Avant cela, elle était mariée deux fois. C'est-à-dire que le messager d'Allah, quand il s'est marié avec elle, c'était son troisième mari. Donc avant cela, elle s'était déjà mariée deux fois. Une fois avec Abu Hala. Elle a eu avec lui deux enfants, Hind et Hala. Et les deux enfants sont devenus musulmans. Sont rentrés dans l'islam. Et elle s'est mariée avant lui, avant le messager, avec une autre personne qui s'appelle Atiq ibn Abid al-Makhzoumi. Et elle a eu avec lui une fille qui s'appelle Hind. Et celle-là est aussi rentrée dans l'islam. Quelles sont ses particularités? Elle a été la première à être, ou plutôt à avoir embrassé l'islam. Elle a été la première à avoir embrassé l'islam. C'est-à-dire la première des hommes et la première des femmes, la première de tout le monde. Elle a été la première en islam à avoir embrassé l'islam. Donc, alhamdoulilah, c'est déjà une grande faveur. C'est-à-dire, ça montre que la première à être entrée en islam, c'est une femme. Ce n'est pas un homme, subhanallah. Donc pour la femme, c'est vraiment yani, une faveur. Et le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit, dans un hadith, je vais vous citer où se trouve le hadith, si je l'ai ici, dans un hadith authentique. Naam. Vous pouvez le trouver dans le Bukhari, et vous pouvez le trouver aussi dans le Muslim. Qu'a-t-il dit, que la paix soit sur lui? Il a dit, كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٍ. Il a dit, parmi les hommes, plusieurs d'entre eux sont devenus parfaits. Quand je dis parfait, c'est-à-dire comparé aux autres. Sinon, ce n'est pas la perfection du Seigneur. Mais, ils sont parfaits par rapport aux autres. Naam, qui ne le sont pas. Il a dit, plusieurs sont devenus parfaits. وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ نِسَاءِ إِلَّا أَرْبَعَ. Alors que des femmes, parmi les femmes, il n'y a que quatre. Il n'y a que quatre qui sont devenues parfaites. Qui c'est la première? La première, Maryam bintu Imran. Maryam, c'est en français Marie. Là, la mère de Isa alayhi salam, la mère de ce qu'ils appellent eux Jésus. Wa Asiya, la deuxième. Wa Asiya, imra'atu Fir'aun. Et Asiya, l'épouse du pharaon, le pharaon d'Égypte, Ramsès II. Naam, Ramsès II, dans le corps, Allah Ta'ala a signé, Allah Ta'ala a inscrit dans le Coran qu'il allait sauver son corps. Il lui a dit, Al-yawma nunajjika bi badanik. Aujourd'hui, on va sauver ton corps. Litakuna, liyakuna liman khalfaka aya. Pour qu'il soit un signe pour les gens qui vont venir après toi. Et après sa mort, alors qu'il est mort englouti par la mer, il est resté je ne sais combien d'années, comme ça dans une petite grotte ou je ne sais pas où, jusqu'à ce qu'ils l'ont découvert, et il est jusqu'à de nos jours présent dans les musées. Et si je ne me trompe pas, parce que moi je l'ai vu ça fait longtemps à la télé, il est où? Il est dans le musée de Paris, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, j'ai même sa photo. J'ai même une photo de lui. Subhanallah l'adim, comment le Seigneur Azza wa Jal a laissé son corps intact. A laissé son corps intact. Non, pour prouver aux gens que yani, le Coran est authentique. D'ailleurs, ensuite il a dit, donc c'est l'épouse de celui-là. Ensuite il a dit, la troisième femme qui est parfaite, il a dit, Khadija bintu Khuwaylid. Il a dit, le pharaon est venu à Paris en 1979. Il est venu à Paris à pied, ou là il est venu par avion à Boumarouane. Il est venu vivant ou là mort. Et ensuite, il a dit, wa Khadija bintu Khuwaylid. Khadija bintu Khuwaylid, c'est Khadija dont on vient de parler. C'est la troisième à être parfaite. Bidna Azza wa Jal. Et la quatrième, c'est qui? La quatrième, c'est Fatima bintu Muhammad. Fatima, la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la plus jeune des filles, la plus jeune de ses filles. Naam. Une seconde ici, puisque on ne me répond pas dans le dans l'inspeak. Je ne sais pas qui est là exactement. Donc, on prend de ce hadith autre chose. Je répète, le hadith, qu'a-t-il dit? Il a dit que, parmi les hommes, beaucoup d'eux sont devenus parfaits. Mais, parmi les femmes, ne sont devenus parfaits que qui? Que les quatre. Le quatre qu'il a cité. Maryam et Asiya, l'épouse de Pharaon. Khadija, l'épouse du messager d'Allah. Et Fatima, radiallahu ta'ala anha. Donc, remarquez avec moi. Puisque les hommes, beaucoup d'eux sont devenus parfaits, et que les femmes, seulement quatre sont parfaites. Puisqu'il a dit que beaucoup sont devenus parfaits, donc quoi? Donc, certains, c'est-à-dire, il y a le beaucoup, ensuite il y a les autres qui ne rentrent pas dans le beaucoup. Ceux-là, donc, des hommes, ne sont pas parfaits, ne sont pas devenus parfaits, ça? Et, donc, il y a des femmes qui sont devenues parfaites. Donc, ces femmes, ces quatre, sont plus parfaites que les autres hommes qui ne sont pas parfaits, qui ne rentrent pas dans le hadith, dans le mot beaucoup. Donc de là, les savants ont pris cet intérêt, ont noté cet intérêt que il y a des femmes qui sont quoi? Qui sont plus parfaites que les hommes. Il y a des femmes qui sont plus parfaites que les hommes. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, toujours en parlant de Khadija, non seulement il l'aimait beaucoup, mais il l'a préférée à toutes ses autres femmes. Il l'a préférée à toutes ses autres femmes, même après sa mort. Parce que quand elle était vivante, il ne s'était pas marié. Il l'a préférée à toutes ses femmes, même après sa mort. Et il ne s'est jamais marié de son vivant. Quand elle était vivante, il ne s'est jamais marié. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de co-épouse. Non, elle n'a pas eu de co-épouse. Ça, c'est en ce qui concerne qui? En ce qui concerne la première des femmes qui s'appelle Khadija radiallahu ta'ala anha. La deuxième des femmes s'appelle Sauda bintou Zum'a al-Amiriya. Sauda, naam, bintou Zum'a ou bien Zam'a ibn Qais ibn Abshamas. Comment s'appelle son père? Justement, son père s'appelle Zam'a ibn Qais. Et sa mère s'appelle Shumus bintou Qais. Quand est-ce qu'elle est née? Elle est née en 68 avant l'Hégire. En 68 avant l'Hégire. Elle est née à la Mecque. Elle est née à la Mecque. Le messager d'Allah s'est marié avec elle aussi à la Mecque. 3 ans après l'Hégire. 3 ans après l'Hégire. Quant à la dot, on ne sait pas. Mais elle est restée avec le messager d'Allah, alayhi sallam, 14 ans. 14 années mariée avec lui. Naam. Khatabaha ba'da wafat Khadija li tar'a ulada. Il s'est marié avec elle après la mort de Khadija, radiallahu ta'ala anha, pour qu'elle l'aide, naam, dans ses enfants. Pour qu'elle l'aide pour ses enfants, sallallahu alayhi wa sallam. Wa kanat musinna. Et elle était âgée. Elle était âgée quand il s'est marié avec elle. Nous allons voir à la fin que quand le messager d'Allah s'est marié avec elle, il avait 50 ans et elle avait 65 ans. C'est-à-dire, il s'est marié avec une femme plus âgée que lui de 15 ans. D'ailleurs, c'est la même chose avec la première, avec Khadija. Elle était plus âgée de lui de 15 ans aussi. Donc, et en plus de cela, naam, elle n'était pas belle. En plus de cela, elle n'était pas belle. Naam. Mahal wa tarikh al wafat. Elle est morte à Médine. Naam. Pendant le califat de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Radiyallahu ta'ala anhu. Elle était mariée avant lui, avant le messager d'Allah, avec Sakran ibn Amr. Et elle est partie avec lui, elle a fait la hijra en Éthiopie, en Abyssinie. Et lui, il est mort là-bas. Et elle a 5 enfants de cet homme. Elle a 5 enfants de cet homme. Naam. Et elle avait la particularité de, naam, quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, naam, a voulu se séparer d'elle, naam, elle s'est désisté, elle s'est rétracté de sa nuit, car toutes les épouses du messager d'Allah ont une nuit, c'est-à-dire aujourd'hui il dort avec celle-là, demain avec celle-là, demain avec celle-là, et comme ça. Et elle a dit au messager d'Allah, alayhi sallam, yani, laisse-moi avec toi, et je donne ma nuit à Aïcha. Pourquoi elle a choisi Aïcha? Parce qu'il savait que c'était yani sa meilleure épouse après Khadija. C'est pour ça qu'il lui a dit, je donne ma nuit à Aïcha, parce qu'il savait combien qu'il l'aimait, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ses particularités aussi que, yani, elle faisait rire le messager d'Allah. De temps en temps, elle le faisait rire. La troisième femme du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, c'est Aïcha. Aïcha. Le nom de son père, Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq. Le nom de sa mère, Zainab bintou Duhman. Sa kunya, c'est Umu Roman. Umu Roman. Elle est née 9 ans avant la Hijra. Afoun, 9 ans, naam, c'est ça, 9 ans avant la Hijra. Elle s'est mariée à Médine, 1 an après la Hijra. Sa dot a été de 400 dirhams. 400 dirhams. Maintenant, si on va dire que 12 dirhams, ça fait un dinar. Non. Donc il lui a donné 400 dirhams. Et 12 12 dirhams, ça fait un dinar. Donc 400 divisé par 12, ça donne à peu près 176, quoi? 176 dinars. Non, afoune, ça donne 3, 33. Ça donne 33 dinars. Et puisque chaque dinar, c'est 5 grammes d'or, donc ça donne à peu près 166. 166 grammes d'or. Et maintenant, s'il y a quelqu'un de vous qui peut nous dire combien fait le gramme d'or à peu près. Combien fait le gramme d'or à peu près en 24 carats. S'il ne connaît pas les carats, ça ne fait rien. Combien fait à peu près le gramme d'or chez vous. Comme ça, on va voir combien doit être à peu près la dot, ou la combien c'est l'équivalent de la dot du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Est-ce que vous pouvez me donner combien coûte un gramme d'or à peu près? J'attends, inchallah ta'ala, votre réponse. Naam. Comme ça, on va multiplier par quoi? On va multiplier par 166. Abu Azdin, jazakallah khair. Taïb, je termine le temps que... Je continue le temps que vous me rendiez la réponse. Muddatu zawaj. Combien qu'elle est restée avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Combien qu'elle est restée? Elle est restée 11 ans. 11 ans avec lui. Quand il a demandé sa main, elle avait 6 ans. Quand il a consommé le mariage, certains disent qu'elle avait 9 ans. D'autres disent qu'elle avait 10 ans. Ce qu'il faut savoir ici, c'est deux choses très importantes. La première, quand on dit qu'elle avait 9 ans, ou bien quand on dit qu'elle avait 10 ans, il n'y a pas une grande différence. Non. Certaines femmes, à l'époque, à 10 ans, non, elles étaient assez grandes de taille. Et ensuite, quoi? Elles n'étaient pas comme de nos jours, peut-être à 18 ans. Et elle ne peut pas avoir une maison. Elle ne peut pas s'occuper de sa maison, ni de ses enfants, tellement elle est frivole. Et pourtant, elle a 18 ans, elle a 20 ans. Mais, comme on dit un peu, c'est-à-dire que peut-être elle n'a pas beaucoup dans sa tête. Mais Aïcha, radiallahu ta'ala anha, à 9 ans ou 10 ans, était déjà une femme. Et la deuxième des choses que je veux dire, regardez, les mécréants, dire du messager d'Allah, et lui trouver des défauts. Non. Qu'est-ce qu'il disait de lui, par exemple? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, par exemple, que c'est un sorcier. Non. Il disait de lui, par exemple, qu'il est possédé. Il est possédé par des esprits. Non. Il disait de lui, c'est un analphabète. Comment se fait-il que, yani, ils connaissent toutes ces choses et c'est pas possible que ce soit lui qui dit tout ça. Non, ça. C'est pas possible qu'il dise tout ça, que tout le Coran vienne de lui, alors que le Coran contient des choses, des défis dans le domaine de la science, la technologie, etc. Ils ont dit c'est pas possible. Donc vous avez remarqué, ils l'ont critiqué, ou là ils lui ont trouvé, ils lui ont collé beaucoup de défauts, mais jamais, ils n'ont dit pourquoi il s'est marié avec une fille de 9 ans ou de 10 ans. Pourquoi? Parce que, en leur temps, c'était chose faisable. C'était une chose très normale. Non. C'est pour ça. Sinon, il lui aurait trouvé ce grand défaut, il l'aurait cité. Regardez, il s'est marié avec une femme ou avec une fille de 9 ans. Mais comme chez eux, c'était quelque chose de normal, ils ne l'ont pas critiqué. Ils ne l'ont pas critiqué dans cette chose. Ensuite, il dit ici, Sababu Zawaj, pourquoi il s'est marié avec elle? Parce que il t'a mini silati beynahu beyna waziri Abi Bakr. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, c'était qui? C'était son bras droit. Et c'était celui qui allait prendre la relève après lui et continuer après lui. Donc il a voulu, alayhi salatu wassalam, il a voulu renforcer les liens avec lui. Il a voulu renforcer les liens avec lui. Et ce, en prenant sa fille comme épouse. C'est pour ça, vous allez voir que la troisième épouse, ce sera qui aussi? Ce sera aussi la fille de Omar ibn Khattab. Qui, il savait qu'il allait être, et qu'il allait être aussi le deuxième successeur après lui. Donc, il a voulu aussi se marier avec sa fille. Pourquoi? Pour renforcer les liens. C'est vrai? On m'a dit, c'est, vous savez que le troisième successeur, c'est qui? C'est Uthman ibn Affan. Et celui-là, qu'est-ce qui s'est passé? Celui-là, c'est lui qui a épousé deux filles du messager d'Allah. Pourquoi le messager d'Allah lui a donné ces deux filles? Parce qu'il allait être le troisième successeur. Il voulait renforcer les liens avec lui. Ensuite, le quatrième successeur, c'est qui? C'est Ali ibn Abi Talib. Et celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé Fatima, la fille aussi du messager d'Allah. Pourquoi? Toujours pour renforcer les liens avec ses successeurs. Avec ses successeurs. Et vous savez que, quand quelqu'un, par exemple, est président, ou là, qu'il est roi, ou là, plus il donne la responsabilité aux gens qu'il connaît, aux gens qui sont proches de lui, plus ça marche mieux. Pourquoi? Car il y a la confiance. Celui-là, c'est mon gendre. Celui-là, c'est mon fils. Et comme ça, bien sûr, s'ils remplissent les conditions, c'est mieux que de donner à un étranger, surtout si s'il ne remplit pas les conditions. Donc, et elle avait la particularité de quoi? Elle avait la particularité que elle a propagé beaucoup de la science du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On me dit ici, 100 grammes, c'est 1853 euros. 100 grammes, c'est 1853 euros. Et moi, je voudrais que vous me disiez, Inch'Allah Ta'ala, 180 grammes, c'est combien? 180 grammes, ou bien 170. 170 grammes. 1 gramme, c'est 31. Multipliez 170 par 31, alors. Multipliez 170 par 31, et on va voir ce que ça donne. Et elle avait tellement de science que les compagnons du messager d'Allah, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ont dit, à chaque fois qu'il nous arrivait un problème, on allait voir Aïcha radiallahu ta'ala. Naam. À chaque fois qu'ils avaient un problème, ils ne savaient pas, est-ce que cette chose, ça se fait, cette chose ne se fait pas, cette chose est permise, cette chose n'est pas permise, ils allaient voir Aïcha, la femme, l'épouse du messager d'Allah, après sa mort. Quand lorsqu'elle était vivante, bien sûr, c'était la direction de toutes les femmes. Toutes les femmes allaient vers elle pour lui poser des questions. Bi-idhnillahi azzawajal. Ici, on me dit 170 grammes, c'est à peu près 5276 euros. Wallahu alam. Mais d'après ce qu'il y a sur le Paltalk, d'après ce qu'il y a sur l'Inspeak, que 100 grammes, c'est 1850. Donc, ça ne marche pas entre les deux. Naam. Abou Mourouan, tu dis 1 gramme, c'est 31 euros. Ici, on dit 100 grammes, c'est 1853 euros. Donc, 10 grammes, c'est 185. 1 gramme, c'est 18 euros. Ici, on dit 1 gramme, c'est 18 euros. Toi, tu dis 1 gramme, c'est 31 euros. J'ai regardé les prix de ce jour à la bourse. Taïeb. Puisque le prix d'aujourd'hui, c'est 31 euros, donc 170 grammes, ça donne 5200 euros. Donc à peu près, la dot que le messager d'Allah a donné à ses femmes, c'était à peu près 5000 euros. Il donnait à peu près 5000 euros, disons entre 3000 et 5000, car l'or monte et descend. Et regardez, pourtant le messager d'Allah était l'une des personnes les plus pauvres. Il restait des fois deux fois trois mois, deux à trois mois, en ne mangeant que quoi? Que les dattes et l'eau. Les dattes et l'eau. Comme dit son épouse Aïcha, elle disait, on restait des fois trois lunes. Trois lunes, et il n'y avait pas de fumée chez nous. C'est-à-dire, on mangeait quoi? L'eau et les dattes, l'eau et les dattes. Et quand c'est question de mariage, il veut donner tout ce qu'il peut, pour montrer que il donnait vraiment d'importance au mariage. Et que Yani ce n'est pas comme de nos jours avec yani un stylo, il se marie. Celui-là, il se marie avec une bouteille de limonade. Celui-là, il se marie avec, je ne sais pas quoi, une montre qui fait 1 euro. Naam, les sœurs, les femmes veulent faciliter le mariage. Elles disent, on ne veut pas faire des difficultés aux frères. On veut quoi? On veut leur faciliter le mariage. Cher Bladi, nous voulons dire salam à Cheikh Chalabi, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous dis comme. Ah, Cheikh Abdelhadi est avec nous. Marhaban bik, Cheikh. Je viens de remarquer ça. Hayakallah, ou. Yani, il a compté l'an. Yani, liste mechoulen. Fa, yani, marhaban bik, il a akhat l'aqit. Yani. ريتما انا ايضا اذهب اصلي وارجع ان شاء الله تعالى تفضل حياك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل الصوت يعني مسموع احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخوتي في الله إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها على ذكر الله تعالى وطاعته فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أخوتي في الله أقول كلمة قصيرة وموجزة حول قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ لا يخفى على الكثير منا هذا الحديث وهو حديث أبي نجيح العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه أنه قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قال وما المخرج من ذلك يا رسول الله قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي بالله لا سعادة لنا ولا نجاة لنا في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فهذا الطريق الموصل إلى رضا الله جل وعلا وهو الذي شرعه الله لنا في قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا من تنبؤاته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلاف الكثير الذي سيحدث بعده صلوات رب وسلامه عليه، وهذا من تنبؤاته. وفي نفس الوقت إخوتاه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأمته المخرج وبين لها الدواء الذي إذا ما استعملته وإذا ما أخذت به تحققت لها النجاة في الدنيا والآخرة. إن ما تعانيه الأمة اليوم من ذل وهوان وما حل بأمة الإسلام سببه البعد عن منهج الله جل وعلا، سببه البعد عن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكما جاء في الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله أنزل الله بكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، السنة هنا أخوتاه ليس كما يعني كما هي عند أهل عند الفقهاء بأن السنة ما دون الفرض، لأن السنة تطلق عدة إطلاقات، تطلق عند أهل الفقه أو عند علماء الفقه على ما دون الفرض، وتطلق عند الأصوليين على المصدر الثاني من أصادر التشريع فيقال الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتطلق عند أهل الأثر أي عند أهل الحديث عن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لكن السنة هنا في هذا الحديث معناها طريقته صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة ومنهاجا وسلوكا. وهذا كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وكقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. إذن فإخوتاه، إذا أردنا المخرج مما نحن فيه وإذا أردنا السعادة في الدنيا والآخرة فعلينا أن نتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي بطريقته بمنهجه بما كان عليه صلى الله عليه وسلم عقيدة ومنهجا وسلوكا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الحديث إخوتي في الله فيه تحذير من البدع من محدثات الأمور، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر السنة ثم ذكر ما يقابلها وهو التحذير من البدعة. والبدعة إخوتي في الله كلها ضلالات، وليس في البدع مستحسن، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه كلمة إخوتاه يعني موجزة فيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فلا سعادة لنا ولا فوز لنا ولا فلاح لنا إلا بالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهنا نلاحظ إخوتاه في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لم يقل عضوا عليهما، لتعلموا إخوتاه أن ما كان عليه الصحابة هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بمشكات يخرج من مشكات واحدة. ولهذا لا يتأتى لنا أن نفهم الإسلام فهما صحيحا إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف هذه الأمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. Donc on parlait, si je me trompe pas, je me suis arrêté quand je disais que le messager d'Allah, alayhi salam, qui était l'une des personnes les plus pauvres et qui restait des fois trois fois sans cuisiner, sans qu'il y ait le feu dans sa maison, et malgré cela, il donnait l'équivalent de 3 000 ou bien 4 000 euros quand il voulait se marier. C'est pour ça que je disais que certaines femmes, certaines sœurs, elles veulent faciliter le mariage et ne demandent que, par exemple, un djilbab ou bien une robe ou bien un livre ou n'importe, quelque chose qui ne soit pas cher. Alors que des fois, le prétendant est riche et qu'il pourrait donner, si on lui demande seulement un djilbab, pourquoi il ne donne pas, par exemple, un djilbab? Et pourquoi il ne donne pas, par exemple, 500 euros ou 1 000 ou là, même s'il est riche, pour aider? Car c'est aussi une sœur en Allah, c'est une sœur dans la religion, et peut-être qu'elle aussi, elle n'a pas et qu'elle a besoin. Donc, Inch'Allah Ta'ala, si quelqu'un Allah Ta'ala lui a donné de l'argent, qu'il soit généreux. Si quelqu'un Allah Ta'ala lui a donné de l'argent, qu'il soit généreux. Et ensuite, la quatrième, c'était, comme je disais, Aïcha radiallahu ta'ala anha, et sa dot était de 400 dirhams, c'est-à-dire 170 grammes à peu près d'or, et que c'était l'une des personnes les plus savantes dans le monde. C'était vraiment un savant au point où les hommes allaient lui poser des questions. Quand le messager d'Allah est mort. La cinquième, c'est Hafsa. Hafsa, son père s'appelle Omar ibn al-Khattab. Sa mère s'appelle Zainab bint Mad'un. Elle est née à la Mecque, 18 ans avant l'Hégire. Elle s'est mariée à Médine, 3 ans après l'Hégire. 3 ans. On ne connaît pas sa dot. Elle est restée avec le messager d'Allah, alayhi sallam, 8 ans. Et le messager d'Allah s'est marié avec elle pour deux raisons. La première, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause que son père allait être le deuxième successeur. Donc il voulait renforcer les liens. Et aussi, à cause d'eux, elle venait de perdre son mari. Elle venait de perdre son mari qui est mort en martyr, dans la bataille de Uhud. Donc le messager d'Allah a fait deux choses, renforcer les liens et la renforcer elle, et la seconder, car elle venait de perdre son mari. Elle est morte en l'an 41 de l'Hégire, à Médine. Elle n'a pas eu d'enfant avec le messager d'Allah, alayhi salatu salam. Pas eu d'enfant avec le messager d'Allah. Et elle écrivait bien. Ses particularités, elle écrivait bien. Et sa particularité, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'a divorcée. C'est la seule des épouses que le messager d'Allah alayhi wa sallam, a divorcée. Alors, Allah Ta'ala, le Seigneur lui-même, lui a envoyé qui? Lui a envoyé Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel alayhi salam, et lui a dit Arji Hafsa, reprends Hafsa, pourquoi reprends-la, fa inna sawwama qawwama, parce que c'est une femme qui jeûne beaucoup, c'est une femme qui prie beaucoup la nuit. وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ Et c'est l'une de tes femmes dans le paradis. Et c'est l'une de tes femmes dans le paradis. Subhanallah al-Azim, ça veut dire comment divorcer. C'est pour nous un rappel. Comment divorcer une femme quand elle passe beaucoup de temps à jeûner et beaucoup de temps à prier la nuit. Celui qui passe son temps à jeûner le jour, à prier la nuit, c'est sûrement une personne pieuse. Comment on va répudier une femme qui est pieuse? Et comment une femme peut-elle aussi demander le divorce à son mari s'il est pieux? S'il est pieux. Naam. وَقَدْ حُفِظَ أَوَّلُ مُصْحَفٍ جُمِعَ فِي أَنَّهُ Et elle a la particularité que elle possédait le premier Coran écrit. Le premier Coran qui a été écrit au temps de Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. Parce que vous savez, le Coran auparavant n'était pas écrit, il était seulement dans les poitrines. Ensuite, il a été écrit pour la première fois, naam, au temps de Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. Et le premier Coran qui a été écrit, c'est elle qui l'a possédé dans sa maison. Elle l'a possédé dans sa maison. La cinquième épouse, radiallahu ta'ala anha, s'appelle Zainab. Zainab. On l'appelait Ummul Masakin, la mère des pauvres. On l'appelait Ummul Masakin, la mère des pauvres. Son père s'appelle Khuzayma ibn al-Harith. Donc elle, c'est Zainab bint al-Harith. Sa mère s'appelle Hind bint Auf. Elle est née en l'an 26 de l'Hégire, à la Mecque. Elle s'est mariée à Médine au mois de Ramadan, hein, 3 ans après l'Hégire. Sa dot, c'était de 400 dirhams, c'est-à-dire 170 grammes d'or à peu près. Moudat al-Zawaj, elle est restée avec lui 8 mois. 8 mois et elle est morte, radiallahu ta'ala anha. Seulement 8 mois. Le messager d'Allah s'est marié d'elle après la mort de son père. Afoun, après la mort de son mari. La mort de son mari. Et son mari, c'est en même temps le frère du messager d'Allah, son frère de Lé. Donc son mari, c'était qui? C'était le frère du messager d'Allah de par le Lé. Il est mort en martyr. En martyr dans la bataille de Uhud. Et donc le messager d'Allah s'est marié avec elle. Pourquoi? Pour la réconforter et pour qu'il la seconde. Non, quand une femme perd son mari, ce n'est pas une chose facile. Et ce n'est pas facilement aussi qu'elle peut se marier. Naam. Donc le messager d'Allah, quand il prenait des co-épouses, vous allez voir, la plupart du temps, il ne prenait pas pour des buts charnels, pas pour des buts de tentation et de passion, mais toujours pour des buts. Pourquoi? Parce qu'il veut les réconforter ou bien il veut renforcer les liens avec les tribus. C'est pour ça que vous allez voir qu'il ne s'est jamais marié avec une femme vierge, sauf Aïcha. Toutes les autres, elles étaient marié, divorcé ou bien veuve. Non. Il s'est marié avec Zainab à Médine au mois de Rabi' al-Akhir, l'année 4 de l'Hégire. Elle n'a pas eu d'enfant avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas eu d'enfant. Son mari, qui est mort, s'appelle Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh. Et c'est le frère du messager d'Allah, du lait. Quelle est sa particularité? Elle était connue par le fait qu'elle faisait beaucoup d'aumônes. Non, elle faisait beaucoup d'aumônes. Et elle était connue aussi qu'elle voulait beaucoup et qu'elle faisait beaucoup d'efforts pour nourrir les pauvres. Pour nourrir les pauvres. C'est pour ça que on l'appelait la mère des pauvres, Ummul Masakin, la mère des pauvres, tellement elle aimait donner à manger aux pauvres et aux nécessiteux. Naam. N'oubliez pas le hadith qui dit, yani at'imu ta'am, at'im ta'am, wa at'im ta'am, aqri' salam, at'im ta'am, wa salli wa nas niyam, tadkhulu al-jannata bi salam, ou tadkhul. Naam, at'imu ta'am, وافش السلام وصلوا الناس نيام والناس نيام تدخل الجنه بسلام. Donc le fait, yani l'une des choses qui fait rentrer au paradis, c'est quoi? C'est de faire manger les pauvres et de faire manger les nécessiteux. Naam. Ensuite, autre chose, elle est aussi la sœur de l'une des épouses du messager d'Allah, mais une sœur de mère, pas de mère et de père, une sœur, yani, si je puis dire, maternelle. Elle est la sœur de qui? De Maymouna. Maymouna, l'une des épouses du messager d'Allah, celle-là, Zaynab, Oumul Masakin, c'est sa sœur de lait. C'est sa sœur de mère, c'est-à-dire elles ont la même mère. Non. La sixième s'appelle Hind. Elle est connue sous la kunya de Umm Salama. Qui ne connaît pas Umm Salama al-Makhzoumiya? Non. Mais son nom c'est Hind, car Umm Salama c'est seulement sa kunya. Le nom de son père c'est Abu Umayya, sa mère Atika bint Amir. Elle est née à la Mecque 30 ans avant l'Hégire. Elle s'est mariée à Médine 4 ans après l'Hégire. Sa dot avec le messager d'Allah, c'était quelques meubles de la maison. Elle est restée avec le messager d'Allah 7 ans de mariage. Et elle est morte à Médine au mois de Chouel 61 après l'Hégire. Et c'est la dernière des épouses du prophète alayhi sallam qui est morte. Donc si jamais on vous demandait quelle est la dernière des épouses qui est morte, vous allez dire c'est qui? C'est Umm Salama radiallahu ta'ala anha. Donc c'est Hind. Naam. Elle n'a pas eu d'enfant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son mari c'était qui? Abu Salama. Naam, Abdullah ibn Abdul Aziz. Le frère du messager d'Allah du lait. Donc le mari de Umm Salama c'était qui? C'était un frère du messager d'Allah alayhi sallallahu alayhi wa sallam de lait. Et en même temps Ibn Ammatihi. Et en même temps, c'est le fils de la sœur du père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et elle a fait la hijra. Hein, elle a fait la hijra avec son premier mari en Éthiopie, en Abyssinie. Et ensuite, à Médine, et c'est là-bas que son mari est mort. Et Umm Salama, tout le monde sait que quand son mari est mort, c'était vraiment quelqu'un de pieux. Et elle s'est dit, comment donc je vais trouver quelqu'un, yani, qui va le remplacer maintenant. Et elle s'est rappelée que le messager d'Allah avait dit que quiconque, yani, lui arrive un malheur, qu'il dise la doua Allahumma jurni fi musibati qaddar Allahumma shafa'al Allahumma jurni ou bien ajirni fi musibati wa khluf li khair minha wa akhlif li khair minha, les deux. Et que, alhamdoulilah, quand elle s'est dit donc moi, qui peut être mieux que mon mari, qui était, mashallah, vraiment pieux, et c'est le messager d'Allah qui s'est marié avec elle, pour voir que quand quelqu'un fait des doigts, et qu'il est vraiment sincère dans ses doigts, Allah Ta'ala lui donne ce que vraiment il n'attendait pas. Les choses que tu n'attends pas, Allah Ta'ala va te donner. N'attendait jamais que quelqu'un, yani, que le messager d'Allah allait se marier avec elle. Naam. Et qu'est-ce qu'elle a comme particularité? C'est la première des femmes à avoir fait la hijra pour l'Abyssinie, pour l'Éthiopie. C'est la première des femmes à être rentrée à Médine, montée sur un chameau à la Haoudaj. Vous savez, sur le chameau, il y a comme ça une petite tente qu'on met sur le chameau. C'était pour la première fois qu'on voyait ça à Médine, une femme dans la petite tente sur le chameau, c'était elle à l'intérieur. Troisièmement, elle avait une beauté particulière et aussi une science particulière et aussi un esprit. Elle était vraiment, elle raisonnait vraiment et elle avait la particularité d'être l'une ou bien d'être la conseillère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous quand fit l'Hudaybiyah, lorsque le messager d'Allah avait demandé aux compagnons de se raser la tête, et que yani, ils n'ont pas été chauds pour le faire. Et le messager d'Allah s'est énervé, est devenu en colère. Il est rentré chez lui, il est rentré chez Salama, qui était avec lui. Quand elle l'a vu comme ça en colère, elle lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, je leur ai dit de se raser, ils n'ont pas accepté. Elle lui a dit, je vais te montrer une chose très facile. Rase-toi, toi le premier, et tu vas voir ce qui va se passer. Et il est sorti devant les gens, et il a appelé le coiffeur. Et lui a dit, rase-moi la tête. Dès que les compagnons ont vu qu'il a commencé à se raser, ils ont tous couru, et ils ont commencé à se raser eux-mêmes. Donc, elle donnait vraiment des avis, et beaucoup de conseils au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que personne ne peut donner un conseil s'il n'est pas yani, quelqu'un de raisonnable, s'il n'est pas quelqu'un qui a de la science, quelqu'un, c'est pas par exemple disons quelqu'un qui est un idiot là, qui va donner des conseils, ou là, un abruti. Il faut que ça soit quelqu'un, ou là, un retardé mental, ou que ça soit quelqu'un qui est vraiment yani, qui soit assez intelligent. La septième, c'est Zeynep, son père s'appelle Jahsh, donc quelqu'un de capable. Naam. C'est Zeynep bintou Jahsh. Celle-là, on l'appelle aussi Umul Masakin, la deuxième. Donc il y a deux mères des pauvres. La première, on vient de la citer, vous entendez, je me rappelle c'est qui. Et subhanallah, mais les deux s'appellent Zeynep. Subhanallah, je viens de remarquer maintenant que les deux s'appellent Zeynep. La première s'appelle Zeynep bintou Khuzayma, et celle-là s'appelle Zeynep bintou Jahsh. Mais si on va dire de la mère des croyants, on va dire la deuxième. Comme ça, ils disent la deuxième pour connaître que c'est Zeynep bintou Jahsh. Sa mère s'appelle Umayma bintou Abdul Muttalib. Elle est née à la Mecque en l'an 32 d'Hégire. Elle s'est mariée à Médine en l'an 5 de l'Hégire. Sa dot c'était 400 dirhams, c'est-à-dire 170 grammes d'or comme les autres. Elle est restée avec le messager d'Allah alayhi sallam 6 ans mariée. Pourquoi il s'est marié avec elle? Non, le messager d'Allah s'est marié avec elle pour montrer aux gens que quoi? Que il n'avait pas un fils adoptif. Car le messager d'Allah, comme vous savez, auparavant, avait un fils adoptif. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Allah Ta'ala a fait descendre un verset où il dit que tu dois te marier avec elle. Car je veux montrer aux gens que le fils adoptif, en islam, on n'a pas le droit de lui donner le même nom. C'est seulement un fils adoptif. Il ne peut pas devenir ton vrai fils. Pour prouver que ce n'est pas vraiment ton fils, tu dois te marier avec sa femme. Car il est impossible que quelqu'un se marie avec la femme de son enfant. Maintenant, s'il s'est marié avec sa femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas son fils. Que ce n'est pas son fils, mais que ce n'est qu'un fils adoptif. Naam. Ce mariage, naam, il a donné 400 dirhams. J'ai dit qu'il a donné à peu près 170 grammes d'or. Donc, il y avait une dot. Naam. Bien sûr, attendez une seconde. On m'a dit qu'il y a des coupures de sang. Allahu a'lam. On m'a dit qu'il y a des coupures de sang dans l'inspic. Là, même s'il y a des coupures, vous devez sortir et revenir. Et le mari de cette femme, comme vous devez le savoir, s'appelait Zaidou Nul Haritha. Je disais que Naam, il s'est marié avec la femme de cet homme qui s'appelle Zayd ibn al-Harith, pour montrer aux gens que ce n'est pas son fils. Pour montrer aux gens que ce n'est pas son fils. Et bien sûr, ceux qui ne sont pas musulmans, ou bien ceux qui sont vraiment loin, qui sont vraiment loin de l'islam, ont essayé de trouver des défauts. Trouver des défauts au messager d'Allah et au point de mentir. De mentir et de dire que il avait, que le messager d'Allah a voulu cette femme, il l'a voulu charnellement. Et que mieux que cela, il l'a vu dans des vêtements légers, et il a voulu alors se marier d'elle, et alors il se marie avec elle, et bien sûr, il a fait ce qu'il voulait, et il s'est marié avec elle, et il a pris la fille de quelqu'un de ses proches, ou de son fils, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Car comme je dis, cette fille-là, subhanallah al-azim, c'est aussi, elle est aussi de sa famille. Et il l'a connue depuis son enfance, s'il avait voulu se marier avec elle. Il l'a connue depuis qu'elle était bébé. Donc, ce qu'ils ont dit là, n'a aucun sens. Et ceux qui lisent le Coran et connaissent le Coran, savent qu'il y a un verset spécialement qui est descendu du ciel, où il a été ordonné au messager d'Allah de se marier avec elle. Pourquoi? Pour montrer aux gens qu'il était impossible d'avoir un fils, sauf le fils qui naît de notre femme. Sinon, ce n'est qu'un fils adoptif. D'ailleurs, même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas voulu se marier avec elle si ce n'était pas le verset qui est descendu. Non. Pouvez-vous, le mariage a eu lieu comme les autres avec une dot, le consentement, le wali témoin. Non. Il dit, est-ce que ce mariage, il a eu lieu comme les autres avec une dot, le consentement, le wali et les témoins. Je ne comprends pas. Je dis à Abu Marwan, j'ai dit deux fois, qu'il avait donné 400 dirhams comme dot. J'ai dit deux fois qu'il avait donné comme 400 dirhams, c'est-à-dire à peu près 170 grammes d'or. Hein. Quant à est-ce qu'il y avait le consentement, etc., c'est normal. C'est normal, en islam, il est interdit de se marier avec une femme qui n'accepte pas. Il est interdit. Si jamais on marie une femme de force, le mariage n'est pas valide. Le mariage n'est pas valide, sauf si elle accepte. Elle dit, j'accepte ce mariage. C'est pour ça que tous les pères qui marient leur fille sans leur consentement, ce mariage n'est pas valide. Ensuite, il a dit, est-ce qu'il y avait le tuteur et les témoins? Si vous ne savez pas, laissez-moi vous apprendre que le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, se marie sans témoin et sans wali et sans tuteur. Si vous ne savez pas ça, sachez que, pourquoi? Parce que le messager d'Allah, c'est-à-dire, comment on dit ça, il n'a besoin ni de témoin ni de tuteur. On a besoin de témoins. Pourquoi? Et de tuteurs. Pourquoi? Alhamdulillah, non. Pourquoi? Les gens viennent témoigner que cette personne s'est mariée, par exemple. Les gens, on ne sait jamais s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que le mari, ensuite, nie l'enfant. Ils disent, non, celui-là, ce n'est pas mon enfant. Mieux encore, je ne me suis jamais marié avec cette femme. Imaginez, est-ce qu'un prophète peut faire quelque chose pareil? Est-ce qu'un prophète peut nier et mentir et dire, non, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon enfant, etc. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin qu'il y ait des témoins pour qu'ils se marient. Naam. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'elle aussi? Une seconde. Naam. Cette femme avait la particularité de quoi? Cette femme avait la particularité que c'était la première c'était la première à être morte après lui, sallallahu alayhi wa sallam, de ses épouses. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Umm Salama, c'était la dernière épouse à être morte. Celle-là, c'est la première à être morte des épouses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Zainab bint Ujahsh. Une seconde encore. Et il y a autre chose. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il leur a dit, Asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yada. Une fois, le messager d'Allah, quand il était avec ses épouses, car comme je vous l'ai dit une fois, elles se rencontraient chaque soir, elles se rencontraient dans la maison où il allait dormir, avec la femme, l'épouse où il allait dormir. Elles se rencontraient là-bas et elles discutaient. Quand c'est le moment que le messager d'Allah dorme, elles allaient dans leur pièce, elles mouhaiment, ou bien dans leur maison. Une fois, pendant qu'elles discutaient avec le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, alayhi salam salam, la plus, celle qui va me rejoindre le plus vite après ma mort, il a dit, c'est celle de vous qui a le bras le plus long. Celle de vous qui a le bras le plus long. Alors Aïcha a dit, et d'autres femmes aussi ont dit, que on n'avait pas bien compris ce hadith, on a compris son apparence et tout, et on a commencé chaque soir à calculer laquelle de nous avait le bras le plus long. Laquelle de nous avait le bras le plus long. Et quand le messager d'Allah est mort, et qu'ensuite la première épouse qui l'a rejoint, c'est celle-là, Zainab bint Ujahsh, ils se sont étonnés. Pourquoi? Parce que c'était une femme assez petite de taille, et par conséquent elle avait le bras assez court, car plus on est petit de taille, plus le bras est court, plus on est grand de taille, plus le bras est long. Ils ont dit, comment se fait-il? Le messager d'Allah a dit que yani, celle qui va me suivre, la première, c'est celle qui aura le bras le plus long. Et là, ils ont compris que avoir le bras long signifie en arabe faire beaucoup d'aumônes et donner beaucoup d'argent pour le visage du Seigneur. Là, ils ont dit, c'est vrai, on reconnaît que Zainab, c'était celle vraiment qui faisait beaucoup d'aumônes et qui donnait beaucoup d'argent, fisabilillah. Donc, c'est elle qui avait et qui a le bras le plus long. Naam. Ensuite, la huitième, c'est Juwayriya, le nom de son père, Al-Harith ibn Abi Dirar. Le nom de la mère, on ne le connaît pas. Elle est née 16 avant l'Hégire. Elle s'est mariée 5 ans après l'Hégire. Sa dot, c'est 160 ou bien 170 grammes d'or. Donc toujours, vous voyez, c'est presque toujours 400 dirhams. Elle est restée avec le messager d'Allah, elle est censée la marier pendant 6 ans. Pourquoi elle s'est mariée avec lui, Zavin? Car c'était une captive. C'était une captive parce qu'elle est d'origine juive. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait choisir entre qu'il donne, yani, qu'il donne ce qu'il faut donner comme argent pour la libérer, ou bien le mariage avec lui. Elle a choisi le mariage avec lui. Ensuite, les autres musulmans ont été tous obligés de quoi? De libérer tous les captifs qui étaient juifs. Non? Car c'était des cousins de sa femme, de l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle est morte à Médine en l'an 56 de l'Hégire. Elle n'a pas d'enfant avec le messager d'Allah. Son mari, son premier mari, s'appelle Musafi ibn Safwan. Non. Taïb. On va terminer. La neuvième, elle s'appelle Safiya. Safiya, son père, Huyay ibn Ukhtab. Elle est d'origine juive. Sa mère s'appelle Barra bintu Samuel. Elle est née en l'an 10 après l'Hégire. Elle s'est mariée quand il revenait de la bataille de Khaybar en l'année 7 après l'Hijr. Sa dot, c'était quoi? C'était que le messager d'Allah l'a libérée. L'a libérée car elle était captive. Non. Elle est restée avec le messager d'Allah 4 années. Elle est morte à Médine en l'an 52 de l'Hijr. Elle n'a pas d'enfant avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses particularités, c'est qu'elle était très belle. Hein, et elle était véridique. Et elle a fait une chose, qu'est-ce qu'elle a fait entre autres? Lorsque Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, a été encerclé dans sa maison, et il ne lui arrivait plus ni le manger ni le boire, elle a fait tous ses efforts pour lui envoyer à boire et à manger en cachette. Même si elle devait monter sur le toit, etc. Et elle arrivait chez Uthman et lui faisait passer un peu d'eau et un peu de manger. Non. On dit qu'on ne m'entend pas bien. Allahu alam. Et la dixième, c'est Ramla. Ramla, sa cunya, c'est Umu Habiba. Umu Habiba. Est-ce qu'elle était convertie à l'islam quand elle a épousé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Safiya, est-ce qu'elle était convertie à l'islam quand elle a épousé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Naam, elle s'est convertie à l'islam. Naam, elle s'est convertie à l'islam. Naam. Donc ensuite il y a Ramla. Ramla, sa cunya, c'est Umu Habiba. C'est la fille de Abu Sufyan. Abu Sufyan, très connu. Et c'est la fille de Safiya bint Abi al-As. Elle est née en l'an 30 de l'Hijr. Elle s'est mariée l'année 7 après l'Hijr. Sa dot, la dot de Ramla, c'est combien? 400 dinars. 400 dinars. L'équivalent de 170 grammes d'or. Et qui a donné ces 400 dinars? Ce n'est pas le messager d'Allah. C'est le Najashi, le Négus d'Éthiopie. C'est lui qui a donné cet argent à qui? À cette femme. Et c'est lui qui l'a mariée. Car son père était encore kafir. Et quand une femme est reconvertie et son père n'est pas encore, est toujours mécréant, il ne peut pas la marier. Donc, ici, qui l'a mariée? C'est le gouverneur. Le gouverneur, le Négus. Et le Négus, tout le monde sait qu'il est rentré en islam. Donc, il lui a donné 400 dirhams et il l'a marié avec le messager d'Allah, alayhi salatu salam. Naam. Elle est restée 4 ans avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est restée 4 ans de mariage avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est la fille de Abu Sufyan ibn Harb, très connu. L'un des grands ennemis de l'islam avant qu'il ne soit devenu musulman. C'était l'un des grands ennemis de l'islam avant qu'il ne soit devenu musulman. Naam. Et elle est morte à Médine en l'an 44 de l'Hijr. Elle n'a pas d'enfant avec le messager d'Allah. Son premier mari s'appelle Ubaydullah ibn Jahsh. Et quand elle a fait la hijra avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le christianisme. Son mari est rentré dans le christianisme. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? Elle a patienté seule. Elle était seule, avec une enfant encore. Naam, toute seule. Et pas dans son pays, chez les autres, chez les étrangers. Et son mari, subhanallah al-adhim, combien c'est difficile. Et son mari, quand il est rentré dans le christianisme, comment qu'il est devenu? Il est devenu riche. Justement, il est rentré à cause de l'argent. C'est comme maintenant en Algérie, par exemple. Quand on veut faire rentrer quelqu'un dans le christianisme, on lui propose de l'argent. C'est pas on le convainc. On lui dit que Jésus, c'est un prophète et que c'est le meilleur ou là c'est le dernier ou là. Non. On lui donne de l'argent, on va lui dire tu vas aller en France, il y a des femmes, il y a tout ce que tu veux là-bas, etc. On va t'envoyer là-bas. Il rentre. Dans le christianisme. Alors celui-là, quand il est rentré aussi dans le christianisme, il commençait yani, à dire à sa femme, yani, suis-moi, il va rien nous manquer, etc., etc. Mais elle a tenu avec un cœur plein de lumière. Non, un cœur, yani, raffermi. Allah Ta'ala lui a raffermi, quoi, son cœur. Et regardez, quand quelqu'un patiente pour le visage d'Allah, c'est quoi la récompense dans ce bas monde avant l'au-delà? C'est quoi ça, sa récompense? Sa récompense, c'est qu'Allah Ta'ala lui a dit, ce khabith qui a délaissé son dîn et qui t'a délaissé, je vais te le faire changer par le messager d'Allah, la meilleure personne sur terre. La meilleure personne sur terre va se marier avec toi parce que tu as patienté, tu as tenu bon, tu as eu un cœur raffermi, alors je vais te marier avec la meilleure personne qui existe sur terre. Et la marier avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Pour celles qui patientent, ceux et celles, bien sûr, qui patientent. Enfin, la onzième et la dernière s'appelle Maymouna. Auparavant, avant son mariage, sallallahu alayhi wa sallam, avec le messager d'Allah, elle s'appelait Barra. Barra. Le messager d'Allah lui a changé son prénom et il l'a appelée Maymouna. C'est quoi Barra en arabe? C'est-à-dire la pieuse. Or, en islam, c'est interdit de se faire appeler par des prénoms ou des noms qui montrent yani, qu'on est pieux, qui montrent qu'on est généreux, qui montrent qu'on est ceci, on est cela. Non. C'est pour ça que c'est pas bien de s'appeler, par exemple, Nouruddin, Taqiyuddin, Shamsuddin, et comme ça. Non. Pourquoi? Parce que, non, Ihsan. On ne peut pas s'appeler Ihsan, on ne peut pas s'appeler Iman. Car, naam, comment se fait-il que celle-là s'appelle Ihsan? Ihsan, alors qu'elle n'est pas Muhsina. Elle ne donne jamais d'aumône, elle passe son temps dans la médisance. Comment se fait-il qu'elle s'appelle Ihsan? Et l'autre, elle s'appelle Iman, alors qu'elle ne fait même pas la prière. Elle s'appelle Iman. Yani, c'est la foi, elle représente la foi, alors que ce n'est pas vrai. Naam. Al-Muhim. Donc elle s'appelle Maymouna, elle s'appelait auparavant Barra, et c'est son père c'est le Harith Ibn Hazan al-Hilali, sa mère c'est Hind bint Auf, elle est née à Mecca en l'an 18 avant l'Hégire. Elle s'est mariée en l'an 7 après l'Hégire. Sa dot c'est de 400 dirhams, 170 grammes d'or. Donc vous remarquez, vous avez remarqué avec moi, la plupart des épouses du messager d'Allah, sa dot c'était 400 dirhams. C'est-à-dire 170 grammes d'or à peu près. Elle est restée avec le messager d'Allah 5 ans. Non, elle est restée avec le messager d'Allah 5 ans. Elle est morte à la Mecque à 51 ans après l'Hégire. Elle n'a pas d'enfant avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas d'enfant avec lui. Donc, et pour terminer, on a Maria. Maria, la copte. La copte, qui est une égyptienne. Celle-là, Naam, c'était une esclave que, hein, Maria, qui est rentrée en islam. Si, attendez une seconde, sort et revient. Quelqu'un qui me dit, j'entends pas dans les speakers, je lui sort et revient. Sort et revient. Je disais, son père s'appelle Shum'un. On ne connaît pas le nom de sa mère. Mahalwa Tariq Lwilada. Elle est née au Saïd, en Égypte. Mouhafadat Asyut. Département d'Asyut. Mahalwa Tariq. Elle s'est mariée, mais dis-nous, 7 ans après l'Hégire. 7 ans après l'Hégire. Et c'était une captive. C'était une captive. Non. C'est pour ça que. En islam, on n'a pas le droit de se marier avec une captive. Car si on se marie avec elle, nos enfants seront des esclaves. Mais l'islam te permet de l'avoir, yani, comme captive. De l'avoir comme captive. Et bien sûr, d'avoir des enfants avec elle. Et ces enfants ne seront pas des esclaves. Mais seront des libres. Des libres. Non. Le messager d'Allah s'est marié avec elle, c'est le Muqawqis, ce roi-là la lui a offerte. Elle est restée avec le messager d'Allah 4 années. Elle est morte à Médine, en l'an 16 de l'Hégire. C'est la seule, donc particularité, c'est la seule qui lui a donné un garçon. C'est la seule qui a donné au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim. Ibrahim qui a vécu seulement 8 mois et qui est mort. C'est la seule qui lui a donné un garçon. Subhanallah al-Azim, vous avez remarqué, toutes les autres ne lui ont pas donné un garçon. Et celle-là, qui est une captive, une esclave, elle lui a donné un enfant, un garçon. Subhanallah al-Azim. Il y a deux autres femmes que le messager d'Allah n'a pas consommé avec elle le mariage. La première s'appelle Esma Bintul Nu'man de Kinda. Naam. Certains ont dit il s'est marié avec elle puis s'est séparé d'elle, car lorsqu'il est rentré chez elle, il a trouvé des taches blanchâtres sur son flanc. Alors que normalement, elle devait lui dire. Certains disent comme ça. Certains disent cette chose-là est faible. Cette chose-là est faible. Et la deuxième, elle est très connue, s'appelle Umayma Bintul Nu'man. Elle. Bintul Jaun. Celle-là, quand il s'est marié avec elle, le jour où il voulait consommer le mariage, quand il est rentré chez elle, elle lui a dit: je me réfugie auprès d'Allah contre toi. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a répudié. Maintenant, je voudrais faire une petite. Pour terminer, je voudrais faire une petite comparaison pour vous dire que. Naam. Toutes les épouses du messager d'Allah alayhi wa sallam étaient arabes, étaient d'origine arabe, sauf Juwayriya bint al-Harith qui était juive et Safiya bint Huyay qui était juive, et bien sûr Maria l'esclave qui était quoi, qui était égyptienne. Naam. Et autre chose, toutes étaient ou bien veuves ou bien divorcée, sauf Aïcha radiallahu ta'ala anha, c'est la seule vierge, et sauf bien sûr l'esclave Maria. Non. Autre chose, maintenant je vais vous citer la différence entre leurs âges, l'âge du messager d'Allah et de leurs épouses. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a épousé Khadija, elle avait 40 ans, il en avait 25. Donc 25, elle le dépassait de 15 années. 25, 30, 40. 15 années. Lui, 25, sallallahu alayhi wa sallam, et elle, 40. Naam. Et, moustache, 15 ans. J'ai bien dit 15 années. 15 années de différence. Et elle est restée avec lui 25 ans. Quand il s'est marié avec Saouda, il avait 50 ans. Et elle en avait 65. Elle le dépassait donc aussi de 15 ans. Et elle est restée avec lui 14 années. Quand il s'est marié avec Aïcha, il avait 53. Elle en avait 10. Elle est restée avec lui 11 ans. Quand il s'est marié avec Hafsa, il en avait 55. Elle en avait 21. Elle est restée 8 années avec lui. Quand il s'est marié avec Zaynab bint Khuzaima, il en avait 55, elle en avait 29. Elle est restée avec lui 8 mois. Quand il s'est marié avec Hind, il en avait 56, elle en avait 34. Elle est restée avec lui 7 années. Quand il s'est marié avec Zaynab bint Jahsh, il en avait 57, elle en avait 35. Il est resté avec elle 6 années. Quand il s'est marié avec Juwayriya, il en avait 57, elle en avait 21. Elle est restée avec lui 6 années. Quand il s'est marié avec Safiya, il en avait 59, elle en avait 17. Elle est restée avec lui 4 années. Quand il s'est marié avec Ramla, il en avait 59, elle en avait 37. Elle est restée avec lui 4 années. Et quand il s'est marié avec Maymouna, Bintul Harith, il en avait 59, elle en avait 25. Elle est restée 4 années avec lui. Enfin, quand il a pris l'égyptienne, il en avait 59 et on ne connaît pas son âge. Mais elle est restée avec lui 4 années. Voilà les époux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va passer inshallah ta'ala aux questions. Naam. On commence inshallah ta'ala bidna azza wa jal. En commençant par qui dans le pastoc, par Hafsa dans le pastoc. Bismillah tafadhali. Bismillah, salam alaykoum. Salam alaykoum, cher. La sœur Hafsa a dit, pouvez-vous m'expliquer quand vous dites qu'il faut faire allégeance avant de mourir? Très certainement, elle fait allusion au hadith que vous nous avez répété plusieurs fois du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il faut mourir en ayant un gouverneur, un calife, et que celui qui meurt sans gouverneur, il meurt dans l'état de la jahiliya. Allahu a'lam. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tayyib. Naam, il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que si jamais une personne meurt sans avoir fait l'allégeance au gouverneur musulman, cette personne meurt dans la jahiliya. C'est comme si elle mourait dans la période anti-islamique, c'est-à-dire la période qui était avant la venue de l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ou là autant avant la venue de l'islam, il n'y avait pas de gouverneur, mais c'était seulement des tribus. Chaque tribu avait son chef et il n'y avait pas d'allégeance, etc. Ou bien si on faisait l'allégeance, on la faisait seulement au chef du tribu. Donc si quelqu'un ne fait pas l'allégeance maintenant de nos jours et meurt sans avoir dans le cœur que X des gens, c'est son gouverneur, ça veut dire qu'il s'est fait ressembler au kofar des Jahiliya. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu mécréant, mais qu'il s'est fait ressembler à eux et il nous est interdit de se faire ressembler aux mécréants. Car le messager d'Allah a dit qu'il ne fallait pas se ressembler ni aux chrétiens ni aux juifs. Et il a dit quiconque se fait ressembler à une tribu là, il est deux. Naam. Et nous, dans un pays koufar, comment qu'on fait? Dans un pays koufar, naam, par exemple, pour Allah ta'ala alam, votre gouverneur, par exemple, c'est le pays, par exemple, où vous êtes d'origine. Si on est d'origine, par exemple, d'Algérie, c'est en Algérie. Si on est d'origine du Maroc, c'est du Maroc. Ou bien, c'est d'après, par exemple, le pays où on va faire la hijra. Non, c'est là-bas, peut-être, votre pays. Yani, c'est votre gouverneur. Wallahu ta'ala a'lam. Non. Sinon, puisque vous n'avez pas de gouverneur, c'est que il faut, yani, faire la hijra pour avoir un gouverneur. Non. تفضل ان شاء الله. نعم نعم نعم c'est comme ça. Hafsa, barakallahu fik. Maintenant c'est autour la question de Sami 1. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quels sont les points à respecter pour l'orientation vers la Qibla? Faut-il prendre en compte le soleil, le vent d'été ou d'hiver? Ne doit-on pas prier en face du soleil? Barakallahu fikoum de m'expliquer. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour la Qibla, il faut dire que ce n'est pas n'importe qui peut savoir où est la Qibla. Ce n'est pas n'importe qui va sortir comme ça ou la monter sur le sommet d'une montagne ou bien prendre une barque et aller au milieu de la mer pour savoir où est la Qibla. C'est pour cela que il y a des centres, il y a des gens spécialisés qui, eux, yani, te disent où se trouve la Qibla par rapport à l'endroit où tu es. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, quelque chose qui s'appelle la boussole. Il y a même un site internet qui donne l'orientation de la Qibla là où on se trouve. Naam. Par exemple, je vous donne un exemple, comme en Algérie, par exemple, la Qibla se trouve du côté du lever du soleil. Dans d'autres pays, par exemple, tu cherches où se trouve le lever du soleil et tu le mets à ta droite. Dans d'autres pays, tu le mets à ta gauche. Dans d'autres pays, tu le mets dans le dos. Et comme ça. D'ailleurs, vous pouvez, Abu Huraira, si tu peux prendre Osmo, tu peux prendre le lien qu'il y a sur le Paltok et tu le mets. tu le mets sur l'inspeak, sur ce lien, quand on clique, tu tapes le nom de la ville et on te dit où se trouve la Qibla. Naam. Et il n'y a pas d'interdiction à prier en face du soleil. Ce qui est interdit, c'est de prier en face du feu, pas du soleil. Naam. Tfadla, inchallah, suivant. On passe à l'inspeak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc c'est la question de Nafisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir si le jour de la résurrection, les animaux seront jugés entre eux. Par exemple, un chien qui a tué un chat sans raison valable, sera-t-il châtié? Tfadal, cher. Et pour le lien que vous m'avez dit de coller sur le InSpeak, il ne veut pas le coller. Tfadal, cher. Donc pour la question, je dis d'abord la question, je veux savoir le jour de la résurrection si les animaux seront jugés entre eux. Par exemple, un chien qui a tué un chat, sans raison valable, sera-t-il châtié, etc. Je dis d'abord, wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Ensuite, avant de répondre à la question, je demande, s'il y a dans le salon une sœur, une reconvertie, qui m'avait posé la question sur un chien, qui possédait un chien, et qui maintenant ne sait plus quoi faire avec ce chien, quand elle a appris qu'il y a un hadith, qui est interdit d'avoir un chien dans la maison. Sauf si c'est un chien de garde, ou un chien de chasse, ou un chien, yani un chien, comment qu'il s'appelle, un chien berger, on a des moutons, etc. C'est interdit en islam d'avoir un chien qui ne fait rien. Car s'il ne fait rien, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous prendre chaque jour une montagne de hasanat, de récompense, comme vous le savez. Je dis, si cette personne est là, qu'elle m'en fasse part pour que je lui réponde sur sa question, inshallah ta'ala. Taïb. Maintenant, pour répondre à la question de la sœur qui a dit est-ce qu'ils vont être jugés entre eux, je dis, il y a un hadith authentique qui dit que Allah Azzawajal, le Seigneur, le jour de la résurrection, hein, va ramener tous les animaux, hein, tous les animaux, vous savez qu'ils vont être quoi? Ils vont ressusciter. Tous les animaux qui vont mourir vont ressusciter avec nous. Pourquoi? Car c'est le Seigneur qui les a créés. Ce jour-là, le Seigneur veut montrer à toutes ces créatures que c'est lui qui les a créées et que c'est lui qui commande. Donc, même les mouches, même les insectes, les animaux, les esprits, les cyclopes, les éléphants, tous vont venir ce jour-là devant Allah Azza wa Jal pour qu'il leur prouve que c'est lui qui les a créés. Naam. Donc ensuite, comme j'ai dit, il y a un hadith qui a dit, vous le connaissez sûrement, ceux qui ont assisté avec moi dans la Aqida, qui dit que même le mouton cornu qui dans ce bas monde a frappé de sa tête un mouton qui n'a pas de corne, ce jour-là, Allah Ta'ala, pour prouver qu'il est le plus juste, naam, et pour prouver son équité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander au mouton qui n'a pas de corne de prendre sa revanche. Il va lui dire, aujourd'hui, c'est à ton tour de frapper ce mouton qui n'a pas de corne. C'est pour prouver quoi? Que si le Seigneur Azza wa Jal va yani, donner les droits au mouton auquel on a fait du tort, qu'en est-il aux personnes yani, qu'on a fait du tort? Si un mouton, Allah Ta'ala va lui donner yani, son droit ce jour-là, qu'en est-il donc par rapport à nous, les personnes à qui on a fait du mal, à qui on a tué, à qui on a volé, on a qui? Donc, alhamdoulilah. Quant à est-ce que Allah Ta'ala va faire entrer ces animaux en enfer? Il ne va pas les rentrer en enfer. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux qui n'ont pas de raison. Ou bien, leur raison n'est pas au point où ils peuvent yani, connaître le mal et le bien. Mais leur raison, c'est juste pour pouvoir manger, pour pouvoir boire, dormir et s'accoupler. Naam. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Tfadla, inshallah, le suivant. Bismillah, salam alaikum. C'est la question de Wal Asr sur le Pal Talk. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sheikh. Dans le Coran, Allah dit qu'il va nous éprouver pour savoir qui d'entre nous est le meilleur. Est-ce que une si on est éprouvé par quelque chose et qu'on n'y arrive pas à surmonter cette chose, mais qu'on reste toujours dans le vrai minhaj. A-t-on raté l'épreuve? Aussi, cheikh, je voulais savoir qu'a dit le cheikh Abdelhadi et qui est-il? Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, alhamdoulillah. En ce qui concerne les épreuves, Allah Ta'ala a montré dans le Coran qu'il n'y avait pas une personne qui n'allait pas d'avoir d'épreuves. Naam. Dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit, par exemple, wa kadhalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitna. Atasbirun. Et par exemple, dans le verset où Allah Ta'ala a dit, attendez, monsieur. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٌّ مِنْ مُجْرِمِينَ. Il a dit, chaque messager, tu lui ai fait des criminels, des ennemis, des criminels. Et Allah Ta'ala a dit aussi, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens croient que yani on va les laisser comme ça sans qu'on leur fasse des épreuves et des fitnas? Où est la preuve que tu es vraiment croyant? La preuve que tu es vraiment croyant, c'est quand il y aura le test et l'épreuve. Est-ce que tu vas résister ou pas? Non. S'il y a des épreuves qu'on ne peut pas surmonter, ça ne veut pas dire qu'on est sorti de l'islam ou bien qu'on est sorti du minhaj. Non. Ça veut dire que, puisqu'on n'a pas pu surmonter l'épreuve, c'est un peu difficile pour nous, on va être chagriné, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que on est sorti de l'islam ou bien on est sorti du minhaj. Et encore, ça dépend de quelle épreuve on est en train de parler. Je ne sais pas exactement quelles sont les épreuves ici dans cette question. Mais chaque personne a des épreuves. Chaque personne a des tests. Chaque personne a des problèmes. Et si elle s'accroche bien, naam, et qu'elle revient vers Allah Azza wa Jal, et qu'elle demande à Allah Ta'ala de lui raffermir son cœur, Allah Ta'ala va la raffermir, lui raffermir son corps et va quoi? Va la faire, Inch'Allah Ta'ala, surmonter cette épreuve. Naam. Des fois, l'épreuve est un peu, disons, longue à surmonter. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a perdu sa femme Khadija, naam, il est resté combien? Presque une année ou deux à souffrir, jusqu'à ce que il ait oublié bi'idhnillah azza wa jalla. Naam, tafaddal suivant. Salam alaykoum. Le suivant c'est Ibn Abu Bakr. Salam alaykoum cheikh. Est-il vrai que l'homme a constamment 10 anges avec lui, un à droite, un à gauche, un devant, un derrière, deux sur les lèvres, deux sur les yeux et un sur la gorge, et chacun de ces anges a sa fonction? Quelle est la véracité de ceci? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il n'y a ni un verset ni un hadith qui dit cela. C'est seulement peut-être les gens qui disent cela, ou bien ça se trouve dans des livres, ou bien qui ne sont pas authentiques. Ce qu'il y a dans le Coran, c'est qu'on a un ange à droite et on a un ange à gauche. Ensuite, il y a d'autres anges qui viennent dans les circonstances. Par exemple, quand on va dormir, par exemple, si on dort avec les ablutions, etc., il y a un ange. On fait les doigts, il y a un ange qui va vraiment se coller à nous, s'approcher à nous. Naam. Si le soleil se lève chaque jour, ou le soleil se lève, il y a deux anges qui vont faire des invocations. L'un va dire, au Seigneur, récompense et donne de l'argent, du bien, à celui qui vient de faire l'aumône. Et le deuxième ange dit, au Seigneur, si je puis dire, fait perdre l'argent de celui qui ne fait pas l'aumône. Et comme ça. Donc, et des fois, il y a un malheur qui va nous arriver, quelqu'un qui va nous frapper avec un caillou, par exemple, il y a des anges qui vont repousser ça sans qu'on les voie. Mais les anges qui sont toujours avec nous, ce sont, comme je vous ai dit, les deux, celui de la droite et celui de la gauche. Celui de la droite écrit les bonnes choses, celui de la gauche les mauvaises choses. les mauvaises œuvres. Wallahu a'lam. Tfadal, le suivant. On dit, naam, alhamdoulilah. Donc la question dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été pauvre et malgré sa pauvreté, il s'est marié à plusieurs femmes, en plus des premières. Certaines fois, il n'y avait pas à manger pour sa famille. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à plusieurs femmes au détriment des premières femmes, car peut-être que les frais des dernières femmes auraient permis que les premières ne soient pas dans la faim. Comment peut-on concilier ce fait avec la grande équité du prophète alayhi wa sallam? Qu'Allah le bénisse, barakallahu fikum. Naam. Pour répondre inshallah ta'ala à la question, je dis naam, qu'il n'est pas, naam, il n'est pas permis de penser que c'était au détriment des autres. Naam. Car quand on dit que il s'est marié avec cet argent au détriment des autres, ça veut dire, on veut dire par là qu'il a lésé, qu'il les a lésés, qu'il leur a fait du tort. C'est ça, au détriment de quelqu'un. Or, dire du messager d'Allah qu'il a fait du tort à quelqu'un ou qu'il a lésé, on peut rentrer dans le coffre. Naam. Ça peut nous faire entrer dans quoi? Ça peut nous faire entrer dans la mécréance. Moi, je dis que la personne qui veut demander, inshallah ta'ala, ce n'est pas cela son intention. Mais que son intention, c'est seulement de comprendre si jamais on pouvait lui poser une question pareille. Et la réponse est de dire, il n'y a rien qui montre et qui dise que il s'est marié pendant les moments où il y avait la faim. Il n'y a rien qui dit que il s'est marié pendant les moments où il y avait cette faim, cette grande faim, où il n'y avait que les dattes et de l'eau. Ensuite, lui, il allait se marier avec 170 grammes d'or. Mais on va dire, pour concilier, que il se mariait lorsque, naam, il avait cet argent et que la faim était passée. Car la faim venait de temps en temps. Ce n'est pas toujours qu'il vivait comme ça. Mais des fois, il restait 2 et 3 mois sans manger. Ensuite, quand il recevait de l'argent, il avait de l'argent, il avait de l'or, il avait, naam, il faisait manger sa famille et aussi il se mariait. Naam. Faddal inshallah ta'ala le suivant. Naam. Salam alaykoum. Cheikh, tout à l'heure dans le cours, vous avez dit à propos des mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y en avait eu certains que c'était des mariages avec des tribus pour faire la paix ou des choses comme ça. Si j'ai bien entendu, inshallah. Naam. Donc là, c'est la question de Oum Soleiman sur le Pal Talk. Salam alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez, que vous nous consacrez. Amin. Cheikh, est-il permis à une femme de prier en plein air, par exemple dans un jardin? Barakallahu fikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, quand j'étais au Koweït, je vous avais dit que il y avait beaucoup de savants qui venaient d'Arabie Saoudite vers nous pour nous faire des séminaires. Et une fois, j'ai profité pour demander à un savant pour lui poser cette question. Naam. J'ai oublié le nom du savant, mais il est très connu. Et il m'a répondu que c'était permis. Il a dit, il n'y a rien qui est interdit en islam à une femme de prier ou de prier dans un jardin ou de prier où elle veut, à condition que elle essaye un peu de se cacher pour la prosternation, pour qu'elle n'attire pas le regard des hommes quand elle est prosternée, par exemple, ou quand elle est inclinée. Si elle pouvait se cacher un peu derrière un arbre, derrière une voiture, derrière, si elle pouvait, c'est tout. Sinon, elle n'a pas le droit de dire je vais laisser la prière passer à cause d'eux, il y a des hommes qui sont là. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal, le suivant. C'est la question de Abu Salman. Abu Salman. Salam alaykoum, Cheikh. Une sœur demande l'explication à propos du voile. Est-ce une obligation de porter le jilbab ou est-ce qu'elle peut couvrir son corps par autre chose que le jilbab? Si c'est possible d'être bien précis, car ça pourrait profiter à toutes les sœurs présentes ce soir ou même d'être diffusé ailleurs. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, c'est une question importante. Alhamdulillah. Donc, la première des choses à laquelle la femme doit penser quand elle veut se voiler, c'est de se voiler avec un djilbab. Pourquoi? Parce qu'il a été cité dans le Coran. Allah Ta'ala a dit Yudnina alayhinna min jalabibihin. Il a cité le djilbab. Non, il a cité le djilbab Allah Azza wa Jal dans le Coran. Et c'est aussi dans les hadiths. C'est aussi dans les hadiths. Le djilbab, c'est quoi? C'est quelque chose qui se met sur la tête. On le pose sur la tête et il descend jusqu'à couvrir les pieds. Mais ce que je voudrais dire, et c'est aussi important, non, si par exemple la femme mettait non, un hijab qui est large et qui remplit les autres conditions, qui n'est pas parfumé, qui n'est pas qui n'attire pas avec sa couleur, qui n'est pas transparent, kiki, et qui ensuite va mettre un foulard qui aussi descend large, qui descend non, jusqu'à son dos mais plus bas, n'am, que ce n'est pas aussi interdit bi-idhnillah azza wa jal. Quoique, yani, le djilbab c'est le premier. N'am, le djilbab c'est le premier à laquelle la sœur devrait penser. Mais si jamais, pour des raisons ou d'autres, elle ne l'a pas mis, et elle a mis cela, yani, on ne va pas lui dire pourquoi tu as mis cette chose qui n'est pas un djilbab. Mais on va la laisser comme ça et l'exhorter à ce qu'elle mette le djilbab quand les circonstances le lui permettent. Quand les circonstances lui permettent, quand par exemple, ses parents la laissent, des fois, il y a des femmes qui, des sœurs, ses parents ne veulent pas qu'elle mette le djilbab. Dans ce cas, elle va mettre un hijab large et elle va mettre un foulard sur sa tête. Naam. Et par exemple, c'est une reconvertie, elle est nouvelle. Naam. Et elle dit, pour moi c'est difficile le djilbab, etc. On la laisse commencer par un hijab large et un foulard sur sa tête. Et on lui fait des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et lui raffermisse son cœur pour qu'elle passe à l'étape la plus parfaite. C'est l'étape du djilbab bi-idhnillahi ta'ala. Naam. Tafadla, inshallah, le suivant. Tawhidullah, où est ta question? Sinon, on passe au prochain, au suivant, inshallah, ensuite on revient. On passe à... Je viens d'écrire sur InSpeak. Je ne la vois pas. Non. Moi, personnellement, je ne vois pas cette question. Ça y est, maintenant, je la vois. Ça, maintenant, je la vois. Elle dit... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tout mensonge est considéré comme faisant partie de l'hypocrisie? Par exemple, même en plaisantant... Barakallahu fikum. Je répète, est-ce que tout mensonge est considéré comme faisant partie de l'hypocrisie? Par exemple, même en plaisantant, barakallahu fikoum. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire ici par plaisanter, mais quand on plaisante et on dit une chose, on corrige vite. On corrige vite, c'est ça. C'est pour cela que ça rentre pas dans l'hypocrisie. Mais ça rentre dans autre chose. Ça rentre dans ce que le fait que le messager d'Allah lui-même ne faisait pas cette chose. C'est-à-dire, il ne disait jamais quelque chose de faux, ensuite il disait je suis en train de plaisanter, alors que la plupart de nous le fait. Moi je suis le premier, je le fais de temps en temps, même des fois sans vouloir, je dis ceci, je dis non, je plaisantais, c'était juste pour faire rire ou là, pour faire peur ou là, nam. Donc ça ne rentre pas dans l'hypocrisie, mais ça rentre dans le fait, yani, d'aller en contraire avec la sunna, nam. والله تعالى أعلم. تفضل سويب. السلام عليكم. C'est autour de Oum Othman. Barakallahu fiki d'envoyer votre question depuis tout à l'heure, inshallah. Ou sinon je vais aller prêtre, inshallah. Salam alaykum wa rahmatullah et wa barakatuh. Combien de temps avons-nous pour faire salat de l'ouetre et salat avant salat de l'Fajr? Barakallahu fikum. Salat l'huître, alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Pour salat l'huître, naam, l'essentiel c'est de la faire avant qu'on entende le adhan du Fajr. L'essentiel c'est de l'entendre avant, c'est de la faire avant d'entendre le adhan du Fajr. Non, c'est yani, ça commence à partir de Salat al-Isha. Quand on fait Salat al-Isha, non, et on fait les deux rak'at. Ensuite, c'est le 8. C'est-à-dire, si on fait 3, si on fait 5, 7, 9, 11 et jusqu'à 13, tout cela, ça on donne le 8. On a jusqu'à Salat al-Fajr. Maintenant, si on les fait le matin, c'est-à-dire après que le soleil soit levé, on doit les faire quoi? On doit les faire chef. On n'a plus le droit de les faire 8, comme c'est dans le hadith de Sahih Muslim. Dans ce cas, ça devient, on doit les faire 2 ou 4 ou 6 ou plus. Mais on n'a plus le droit de les faire, il y en a une ou trois ou cinq, si le soleil s'est levé. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal, le suivant. Salam alaikum. Cheikh et la sœur, elle demande, et s'il nous arrive de nous réveiller après l'Aden, mais que le soleil n'est pas encore levé? Et d'autres, ils demandent, si l'Aden de Salat al-Fajr, il est retardé, est-ce qu'on peut quand même faire Salat de l'Ouetr? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je crois, Allah ta'ala, je dis je crois, ça veut dire que ça a besoin de recherche quand je dis je crois. Je crois, Allah ta'ala, que nam, tant qu'il fait encore nuit, nam, qu'on peut faire salat l'huître, nam, qu'il fait encore nuit, nam, mais ça reste à vérifier. Moi, de temps en temps, quand je me réveille un peu en retard, je vois qu'il fait encore nuit, je commence vite par l'huître. Je commence vite par le vitre, ensuite je passe à quoi? Je passe au fajr, ensuite sobh. Naam. Mais ça reste à vérifier, inshallah ta'ala. Naam. Tfadla, le suivant. Le suivant, c'est Oumoué. Oumoué, la question, Inch'Allah, je l'ai. Salam alaykoum, Cheikh. Quand je suis en prière, j'ai un doute à propos de mes ablutions. Est-ce que je dois continuer ma prière ou est-ce que je dois arrêter et refaire mes ablutions? Barakallahu fikoum. Donc, dans cette question, maintenant, on vient de dire que des fois dans la salat, je doute de mes ablutions. Est-ce que je dois refaire la salat? Je dois refaire les ablutions ou pas? Pour les ablutions, quand on fait ces ablutions et on est sûr de les avoir fait, je suis sûr maintenant, je suis devant le robinet, j'ai terminé mes ablutions, je les ai commencées, je les ai terminées. Maintenant, je suis sûr d'avoir fait les ablutions. Maintenant, 1 heure après, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je doute. Je me dis, est-ce que j'ai encore les ablutions ou je les ai pas? Je les ai ou je les ai pas? Dans ce cas, la règle dit que on doit dire on a les ablutions. Parce que la règle dit que al-yaqinu la yazulu bishak. Une chose qui est certaine ne peut pas être démolie par une chose douteuse. La chose qui est certaine, c'est quoi? C'est les ablutions. Je suis certain de les avoir fait. Je me rappelle, je les ai fait à 10 h du matin dans ma salle de bain. Il y avait même ma fille devant moi, je me rappelle. Donc une chose que j'ai faite certainement, je ne peux pas dire parce que j'ai douté, alors peut-être je ne l'ai plus. Donc dans ce cas, je dois faire ma salate et ne pas refaire les ablutions. Ça, c'est à condition d'avoir fait les ablutions. Mais maintenant, si c'est le contraire, je suis sûr, par exemple, d'avoir fait sortir un gaz, ou je suis sûr d'être allé aux toilettes. Je suis sûr d'être allé aux toilettes. Et maintenant, 1 heure après, 2 heures, 3 heures, je doute. Je dis, est-ce que j'ai fait mes ablutions ou pas? Comment je vais faire? Je veux faire la prière, mais j'ai oublié. Est-ce que j'ai fait les ablutions ou pas? Dans ce cas, on applique la même règle. On dit, une chose certaine ne doit pas être démolie par une chose douteuse. La chose certaine, c'est quoi? C'est que j'ai été aux toilettes. Et je suis même resté longtemps. On m'a fait sortir en frappant à la porte. Sors, sors, sors. Laisse-moi la place. Sors, sors. Donc je suis sûr que j'ai été aux toilettes. Et maintenant, je ne suis pas sûr d'avoir fait les ablutions. Donc la règle, c'est que je n'ai pas d'ablution. Je dois faire les ablutions. Parce que les ablutions ici, c'est une chose douteuse. Et la certitude, c'est d'être allé aux toilettes. Donc, c'est d'après cette règle que vous allez marcher. Vous devez vous rappeler, c'est quoi la chose dont je suis certain? Est-ce que ce sont les ablutions ou bien, par exemple, les toilettes? Ensuite, appliquer la règle bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl, inshallah, le suivant. Et si c'est compris, vous me dites qu'on a compris, sinon je répète. Salam alaikum, khair inshallah, c'est certainement c'est compris inshallah. C'est au tour de Abu Sara 76100. Salam alaikum Cheikh. Quand dans les salats obligatoires et salat janaza, est-ce que le fait de faire le taslim une seule fois à droite, juste dire salam alaikum, est une sunna ou une bid'a? Hayakum Allah, jazakallahu khayran. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La question dit, pendant les salats obligatoires et salats, la salat funèbre sur le mort, est-ce que le fait de faire le taslim une seule fois à droite, on dit seulement juste salam alaykoum à droite, est-ce une sunna ou bien une innovation? La réponse, inshallah ta'ala, dans salat janaza, il est de la sunna de justement de dire un seul taslim à droite et doucement, sans quoi, sans lever la voix. Et si on a vu celui de la gauche, c'est aussi permis. C'est aussi permis. Mais je veux dire en général, que le fait de faire un seul taslim à droite, salamu alaykoum, c'est de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui se trouve dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah. C'est pour ça que les malikites, ils disent seulement salamu alaykoum comme ça, un peu à droite. Et ce n'est pas vraiment vraiment à droite, juste un peu en face et un peu à droite. Justement, nous, pour faire revivier et vivifier aussi cette sunna, on ne doit pas la laisser mourir. Nous, dans nos salats, même les salats obligatoires, de temps en temps, on devrait faire cette sunna. C'est-à-dire, de temps en temps, je dis seulement « Salam alaykoum ». Juste comme ça, un peu à droite, et je me lève. Ou là, je commence à faire le tesbih. Et vous savez que celui qui fait vivre une sunna, combien qu'il a de ajr, combien qu'il a de récompense chez Allah Ta'ala. Sinon, une chose pareille, il va mourir. Personne ne sait que c'est de la sunna de temps en temps de dire seulement salam alaykoum à droite. C'est pour ça que vous devez la faire apprendre à vos enfants et la faire comme ça de temps en temps devant les gens pour qu'ils l'apprennent. Naam. Et wasmak Abu Marwan, en ce qui concerne Darwin, je n'ai pas encore lu le lien que tu m'as donné et il y a une chose qui m'a interpellé. La fois passée, tu as dit que Darwin n'a pas dit que l'homme descend du singe. Et moi, je t'avais dit que il avait dit que l'homme descend du singe et que c'est très connu que toute sa famille et ses tantes et ses cousines, ce sont des guenons et qu'elles se trouvent dans le zoo, dans le parc. S'il va au parc, il va trouver sa grand-mère là-bas, ses cousines, ses tantes, toutes elles sont là-bas. Non. Ce qui m'a interpellé, c'est que toi, en disant qu'il n'a pas dit cela, tu as parlé qu'il parlait de l'évolution. L'évolution. Justement, s'il a parlé de l'évolution, c'est ça l'évolution. C'est-à-dire que la personne était un singe, ensuite petit à petit, elle a commencé à se lever, ensuite petit à petit, elle a commencé à marcher comme les hommes, et petit à petit, elle a commencé à parler, et ensuite, hop, elle est devenue un être humain et khalas, il parle, il... Justement, c'est ce que je voulais te dire. Wallahu ta'ala alam. Alors, je te donne le micro pour nous expliquer. Assalamu alaikum. Est-ce que vous entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah. Donc, c'est la question de Maimouna. Assalamu alaikum, Cheikh. Ma question concerne Maria. C'était une femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc fait-elle partie des mères des croyants? Car une sœur a lu dans un livre que c'était une concubine et l'auteur différencié avec les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Barakallahu fikum. Que veut dire ici dans le texte, dans ce contexte, que veut dire concubine? Moi, ce que je sais, la concubine, c'est d'avoir des relations avec une femme qui n'est pas notre épouse. Donc, c'est faire quelque chose qui n'est pas licite. Si c'est une concubine, c'est faire quelque chose qui n'est pas licite. Donc, si je dis que le messager d'Allah avait une concubine, ça veut dire, je vais dire qu'il faisait la fornication. C'est la même chose. Je vais dire le messager d'Allah faisait la zina. Astaghfirullah. Est-ce que c'est ça sa question? D'abord, est-ce que c'est ça sa question? Je dis, si c'est ça, si elle pense comme ça, cette personne pense comme ça, elle doit bien sûr, refaire la shahada, si elle pense comme ça. Mais je ne pense pas, bien sûr, qu'elle pense comme ça, mais je pense qu'elle veut dire que les mécréants disent comme ça. Voilà. Alhamdulillah. C'est impossible qu'on peut être un frère et on peut être une sœur et qu'on dise cela. Mais dans les livres de ceux qui sont acharnés contre l'islam et ceux qui veulent donner une mauvaise image de l'islam et amoindrir l'islam vont te dire ceci et cela, et entre autres ils vont citer cette chose. Et moi je dis que en islam, alhamdulillah, c'est un musulman d'après elle. Si c'est un musulman d'après elle, c'est que celui-là il est vraiment loin de l'islam. C'est comme à peu près les reconvertis ou là, les chrétiens ou là, les juifs là qui rentrent en islam qui sont nouveaux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écrire des livres et ils vont faire à l'intérieur des massacres sans le vouloir, avec une bonne intention. Ils vont faire des fautes vraiment graves. Al-Mouhim, je vous ai dit qu'en islam c'est permis, quand les musulmans font la guerre aux mécréants, tout ce qu'on les mécréants devient quoi? Deviennent yani possession des musulmans. Ça veut dire que les hommes deviennent des captifs. Les mécréants deviennent des captifs. Et leurs femmes aussi deviennent des captives. Et les hommes et les femmes rentrent dans le butin. Ils sont rentrés dans le butin des musulmans. Les musulmans se les partagent. Celui-là, on lui donne 2 hommes, celui-là, on lui donne 2 femmes, celui-là, 3 hommes, 3 femmes, et comme ça, ils deviennent quoi? Il dit, peut-être voulait-il dire une esclave et pas une concubine. Justement, il voulait dire une esclave. Or, le messager d'Allah, on lui a offert cette femme comme esclave. Et, en islam, quand on a une esclave, il y a quelque chose qui s'appelle mulk al-yamin. D'esclave en islam, se vend et s'achète. Quand tu vas au marché, tu vas acheter un frigo, tu vas acheter je ne sais pas quoi. La même chose, tu peux aussi acheter une esclave. Cette esclave, quand tu l'achètes, elle reste seulement chez toi. Et on peut avoir avec elle des enfants, à condition que seulement avec cet homme, pas avec les autres. Seulement avec cet homme, car elle lui appartient. Comme il a acheté un frigidaire ou un frigo, il peut acheter une femme. Il peut acheter qui? Une esclave. Et elle devient quoi? Elle devient la mère de ses enfants. Elle ne devient pas son épouse. Car il est interdit qu'il épouse. Pourquoi? S'il épouse, les enfants qu'il va avoir avec elle vont devenir des esclaves aussi. Mais s'il ne l'épouse pas, mais seulement avec ce qu'on appelle Moukliyamin, je ne sais pas comment on dit ça en français, dans ce cas, ces enfants qu'ils vont avoir avec elle vont devenir des hommes libres. C'est pour ça que le messager d'Allah n'a pas épousé cette femme. Elle ne rentre pas dans la mère des croyants. Naam. Car il a eu avec un enfant qui s'appelle Ibrahim. Et Ibrahim est un homme libre. Si c'était un esclave, ça veut dire qu'il s'était marié avec sa mère. Il s'était marié avec sa mère d'esclave. Mais puisqu'il ne s'est pas marié avec elle, il a eu cet enfant, qui est libre, qui s'appelle Ibrahim. Donc, elle ne rentre pas dans la mère des croyants. Et, A'udhu billah, 3 fois, que le messager d'Allah prenne une concubine. Naam. Mais c'est une chose permise en islam. C'est seulement ceux qui ne connaissent pas l'islam qui disent comme ça. Fadl va le suivant. Salam alaikum, Cheikh. Quel est le jugement islamique? Quel est le jugement islamique sur le fait de porter une robe qui est serrée au niveau de la taille avec une ouverture devant qui va jusqu'en bas, fermée avec des boutons, et le tout est recouvert d'un khimar qui est large, tombant jusque au-dessus des genoux? Je précise que la robe est ouverte tout le long, devant, de haut en bas, et qu'il y a une boutonnière, des boutons qui se ferment d'en haut jusqu'en bas. Jusqu'au-dessus des genoux, mais après il y a des boutons qui ferment la robe, comme un grand blouson. Le khimar s'arrête seulement au-dessus des genoux. Barakallahu fikoum. La question c'est, est-ce que ce genre de vêtements pour à la maison ou dans la rue? Ce sont des robes traditionnelles de Jordanie. Le cheikh il demande, est-ce que ce sont des robes pour les porter dans la rue ou pour les porter à la maison? Et la sœur, elle recouvre tout ça d'un khimar qui est large et qui s'arrête jusqu'aux genoux. J'ai pas la réponse, cher. Si est-ce que c'est dans la rue ou à la maison, je vous dis ça tout de suite, inshallah. Inshallah. Al-Muhim. Si c'est dans la rue, ce n'est pas permis. Si c'est dans la rue, ce n'est pas permis. Non. Dans la rue, elle sort avec le djibab, du moins, au moins avec le hijab. Ce n'est pas avec la robe et avec la jupe. Non, ce n'est pas avec la robe et avec la jupe. Au moins avec yani, ce qu'on appelle hijab. Yani, un foulard sur la tête assez long et yani, un hijab qui commence par les épaules. Le hijab, vous savez, ce qu'on appelle abaya ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas avec une jupe ou une robe. Si c'est dans la maison, c'est plus ou moins. Yani, ces choses sont permises, elle est dans la maison. Non. Quant à Darwin que je suis sûr que inchallah ta'ala, je vais trouver qu'il a dit cette chose, mais khalin inchallah sera pour des recherches qu'on va faire inchallah ta'ala. Non. Et je dis que alhamdoulillah que Allah ta'ala nous a créé yani, sur cette belle forme, avec cette belle forme, et que on ne vient pas des singes. Non. Et que comme j'ai dit tout à l'heure, si lui il est des singes, alors qu'il aille manger des cacahuètes, moi je vais manger alhamdoulilah les fruits, je vais manger la viande, je vais manger le poulet, je vais manger les dindons, hein, et lui il va manger les cacahuètes. C'est ça la différence entre moi et lui. Alhamdoulilah. Tafadhal, lis-nous la question. Naam, barakallahu fikoum, cheikh. La question de Louisa 60 sur le Paltalk. Louisa 60. Salam alaykoum cheikh. Allah pardonne tous les péchés, mais j'aimerais avoir une explication sur le verset suivant. Dieu accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Dieu accueille le repentir. Et Dieu est omniscient et sage. Sourate An-Nisa, verset 17. Qu'en est-il d'un musulman qui par faiblesse commet un grand péché et connaissant bien la gravité de cette chose, mais qui se repent sincèrement par la suite? Pouvez-vous également nous donner les conditions de l'acceptation du repentir? Jazakallahu khairan, qu'Allah vous bénisse ainsi que votre famille. Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. En fait, en islam, alhamdoulillah, quiconque fait un péché, même s'il savait que c'était un péché, et fait un grand péché, même si c'est le shirk et l'associationnisme et le polythéisme, Allah Ta'ala lui pardonne s'il se repent. Car c'est lui qui a dit dans le Coran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله تعالى pardon tous les péchés. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Et dans un autre verset, il a montré que si jamais une personne mourait, il lui pardonnerait tout sauf l'associationnisme, sauf le shirk. Donc pour le shirk, si on le fait et on est vivant, alhamdoulilah, Allah تعالى pardonne, à condition que ça soit avec un repentir sincère. Ada le shirk. Alors qu'en est-il si c'est moins que le shirk? Qu'en est-il si c'est la zina, si c'est le vol, si c'est le mensonge, si c'est la médisance? Tout cela, Allah Ta'ala le pardonne si le repentir est sincère. Pour que le repentir soit sincère, il faut au moins trois conditions. Nam, que premièrement, on le fasse pour Allah. Que deuxièmement, yani on soit véridique dans le repentir. Et comment savoir qu'il est véridique? Il faut d'abord arrêter sur place. Ce n'est pas dire je vais arrêter. Mais il faut arrêter, inshallah ta'ala, sur place. Et dans les conditions aussi, c'est de ne d'avoir dans le cœur de ne jamais revenir vers cette chose. D'avoir dans le cœur de ne jamais revenir vers cette chose. Et ensuite, si c'est entre nous et les gens, on doit quoi? On doit yani, rendre les choses qu'on a prises aux gens. Si on a volé quelqu'un, on doit lui rendre son argent. Et comme ça. Ah. Et bien sûr, j'ai oublié, et enfin, il doit quoi? Il doit yani, regretter ce qu'il a fait. Et qu'en est-il de celui qui récidive? Celui qui récidive doit à chaque fois refaire la même chose, refaire les trois choses, c'est-à-dire s'arrêter de faire et se jurer, c'est-à-dire dans le cœur de ne plus refaire, et yendem, et regretter d'avoir fait. Naam. Il faut à chaque fois faire yani, ces trois choses. Et récidiver, ça rentre pas dans le coffre, ou ça fait pas sortir de l'islam. Celui qui est récidive, ça veut dire que sa foi est faible. Ce n'est pas quelqu'un qui a, mashallah, la foi parfaite dans le cœur. C'est quelqu'un qui est faible, qui à chaque fois le shaitan use de lui, à chaque fois le shaitan yani, triomphe sur lui. Non, mais ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, qu'il est sorti de l'islam. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui, on doit s'arrêter ici, inshallah ta'ala, je suis fatigué. Non, on se rencontre, inshallah ta'ala, yom al-arbi'a bi'idna azza wa jal. جزاكم الله خيرا d'avoir assisté. Qu'Allah Azza wa Jal raffermisse nos cœurs, nous aide, nous grandisse la foi, nous fasse détester les péchés et nous facilite les portes qui nous emmènent vers son paradis, son vaste paradis, qui nous paye nos dettes, et qu'Allah Azza wa Jal guérisse nos malades, et qu'Allah Azza wa Jal fasse revenir nos absents, et qu'Allah Azza wa Jal soit avec nous, nos enfants, nos parents, nos frères et nos sœurs, et nos sœurs les nécessiteux et les nécessiteuses, et que Allah nous guide encore plus, et subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.